Oh humain, vous pensez que le temps passe, mais c'est plutôt vous qui le traversez. C'est la conscience de l'humanité qui vous parle. Oh humain, vous avez oublié que la fin du monde est proche. Souvenez-vous des peuples qui vous ont précédés. Souvenez-vous de leurs actes et de leurs péchés. Oh humain, souvenez-vous que la fin est proche. Le chaos, aujourd'hui, on est là. Pourquoi le chaos, c'est notre vie, ici-bas. Pourquoi l'intelligence humaine fabrique des bombes pour nous autodétruire? Chaque jour on creuse un peu plus notre tombe, on tente pas de nous nuire, c'est nous-mêmes qui nous suicidons, qui nous détruisons. Chaque jour qui passe, on déracine les forêts qui nous font vivre comme des sauvages, ivres de destruction, comme si la nature nous appartenait. Un peu de respect, c'est grâce à elle qu'on se chauffe, qu'on bouffe, qu'on vit, qu'on roule en voiture. Que tu tripes sur ton portable, que tu bouffes à table, que tu vis dans le confort, grâce à elle que tu te sens fort. Pourquoi on l'épuise au point de tuer les animaux pour la grande distribution, au nom de la consommation du pétrole, de l'euro et du dollar? Car au préavis, sans nature pas de vie, marre des futilités, on se nuit, on s'ennuie, et la nuit, regarde, les étoiles nous regardent, bien même tout ça, elles doivent penser qu'on est l'espèce la plus débile, incapable de se réveiller, qu'il faut nous taper dans le mille pour nous ouvrir les yeux, qu'un grand choc arrive pour nous secouer, pour que ça aille mieux, avant que la vie nous file entre les doigts, un grand boum. Révolution pacifique. Une révolution sans armes. Révolution pacifique. Une révolution sans armes. Pour une évolution unique. Ça marchera jamais. Si si. Ça marchera jamais. Si si si si. Sans violence, on a sa chance pour une évolution unique. Pour que la lumière danse, il suffit juste d'avoir la foi. La foi en la vie. Je veux la foi. La foi en toi. Je veux la foi. Avoir la foi. Pour ne plus vivre atrophié de liberté, pour récupérer ce qui nous est dû, garder nos rêves, nos envies, nos fiertés. Que fais-tu? Levons-nous, fermons la porte, dégainons l'épée, reçois ton pouvoir et pars en quête, la quête de ta vie. Sors de cette ruelle si sombre, écoute dans l'oreille, la vie t'appelle. La vie t'appelle. La vie t'appelle. Il faut se battre.